Quatrième partie. Les sacrements. Chapitre 1. Les sacrements en général. Première section. Nature des sacrements. De quoi est-il question dans la quatrième partie de la doctrine chrétienne ? Dans la quatrième partie de la doctrine chrétienne, il est question des sacrements. Qu'entend-on par le mot sacrement ? Par le mot sacrement, on entend un signe sensible et efficace de la grâce, parce que tous les sacrements signifient, par le moyen de choses sensibles, la grâce divine qu'ils produisent dans notre âme. Pourquoi appelez-vous les sacrements signe sensible et efficace de la grâce? J'appelle les sacrements signe sensible et efficace de la grâce parce que tous les sacrements signifient par le moyen de choses sensibles la grâce divine qu'ils produisent dans notre âme. Expliquez par un exemple comment les sacrements sont des signes sensibles et efficaces de la grâce. Dans le baptême, l'acte par lequel on verse l'eau sur la tête de la personne et les paroles « Je te baptise », c'est-à-dire « Je te lave », au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sont un signe sensible de ce que le baptême opère dans l'âme. De même que l'eau lave le corps, ainsi la grâce donnée par le baptême purifie l'âme du péché. Combien y a-t-il de sacrements et quels sont-ils? Il y a 7 sacrements qui sont le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Combien faut-il de choses pour faire un sacrement? Pour faire un sacrement, il faut la matière, la forme et un ministre qui ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Qu'est-ce que la matière des sacrements? La matière des sacrements est la chose sensible qu'on emploie pour les faire, comme par exemple l'eau naturelle dans le baptême, l'huile et le baume dans la confirmation. Qu'est-ce que la forme des sacrements? La forme des sacrements consiste dans les paroles qu'on prononce pour les faire. Qu'est-ce que le ministre des sacrements? Le ministre des sacrements est la personne qui fait ou confère les sacrements.